Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Comment se construit le cerveau d'un humain pendant la grossesse et juste après la naissance? À quel point les premières étapes de son développement sont-elles décisives pour la suite? Selon des études, l'autisme, les épilepsies infantiles et même certaines pathologies neurologiques qui surviennent à l'âge adulte sont générées par notre cerveau avant l'âge de 2 ans. Dans un instant, nous allons nous intéresser à cette période cruciale des 1000 premiers jours de notre cerveau avec le neurobiologiste Yezehel Benari. Une carte génétique qui répertorie des dizaines de mutations impliquées dans différents types de cancers et un ver venu d'Argentine qui envahit les jardins en France et en Europe. Nous en parlerons dans la revue d'actu de la semaine vers 15h40. Au menu de notre deuxième heure, citron, bigarade, pamplemousse et clémentine, le généticien et agronome Franck Kurk nous emmènera à la découverte de la grande famille des agrumes. Et en toute fin d'émission, nous mettrons le cap sur l'Antarctique avec l'aventurière Laurence de la Ferrière qui nous raconte sa toute dernière expédition. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Ronan Mahé et Clément Bergman. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Bonjour, Yezehel Benari. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, vous avez fondé l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée à Marseille. Vous dirigez aujourd'hui la fondation et le centre IBEN dédié à la maternité et à l'autisme. Et vous venez de publier « Les 1000 premiers jours » aux éditions Humaine Science, un ouvrage dans lequel on découvre comment le cerveau se construit pendant la grossesse et dans les 2 premières années de vie. Le son que l'on entend actuellement derrière nous, c'est la reconstitution de l'ambiance sonore dans laquelle se développe un fœtus humain. Sait-on à quel stade de son développement le fœtus est en mesure de percevoir les sons intra-utérins ? Alors, il faut dire tout d'abord qu'on a pas mal de données dans des conditions expérimentales chez l'animal, évidemment un peu plus que chez la femme, pour des raisons évidentes. Chez la femme, on a des données parfois, mais elles viennent surtout de travaux sur les prématurés, parce qu'évidemment faire des choses in utero n'est pas facile, n'est pas possible en fait. Par contre, chez les prématurés qui sortent à tel ou tel âge, on peut enregistrer. Par exemple, je prends un exemple simple. Nous avons fait des travaux il y a très longtemps, nous avons avec mes équipes enregistré des prématurés 28-29 semaines, dans lesquels on se posait la question suivante: si je vous mets un flash lumineux dans les yeux, vous allez avoir une réponse de courte durée qui correspond à la durée du flash. Par contre, le prématuré, le même flash lumineux, va générer une activité extrêmement longue, 150 fois plus longue, qui correspond à ce qu'on appelle les ondes rétiniennes qui ont été respectées au cours de l'évolution, qu'on retrouve chez la souris, la grenouille, etc. Il faut savoir que la rétine chez l'homme se développe à peu près à la fin du premier trimestre de la gestation. Évidemment, on ne se souvient de rien, on ne voit pas grand-chose. N'empêche que dans des conditions expérimentales, si vous bloquez l'activité que cette rétine immature génère, le système visuel va mal se développer. D'où la question majeure qui est la suivante. À quoi sert cette activité si elle n'est pas sensorielle? Ce prématuré, si je lui prends cette activité-là, il ne verra rien du tout. C'est vrai aussi du point de vue acoustique. Mmh. Et donc, à quoi sert cette activité? Et c'est là le fond de mon travail, dans le fond. Je travaille là-dessus depuis 1986. Et je me suis aperçu très vite, essentiellement chez la souris, mais ça s'applique aussi à l'homme, que le cerveau en développement n'est pas un petit cerveau adulte. Il a ses règles, il a ses fonctions, il a ses propriétés qui n'ont rien à voir avec celui de l'adulte. Alors pour qu'on comprenne bien ce que vous nous dites, il y a un exemple très parlant que vous donnez dans votre livre. Vous dites, on interprète souvent lorsque l'on voit le ventre d'une femme enceinte, que l'on voit que le fœtus bouge à l'intérieur, on se dit, il essaye de sortir, il se débat, il manque de place. Et vous dites, ces mouvements n'ont rien à voir avec des mouvements faits volontairement. Exactement. Alors, l'auditeur doit comprendre que si je bouge ma main droite, et on va s'apercevoir que mon cerveau gauche a donné l'ordre à ma main droite de bouger. Si on fait la même chose chez un primat, le plus souvent, c'est pas ça du tout. C'est qu'au fait, l'activité du cerveau vient après le mouvement, pas avant le mouvement. Ce qui veut dire au fait que le mouvement, il n'est pas volontaire. Ça repose la question à quoi il sert. Et la réponse est toujours la même. C'est ce que nous proposons, c'est que l'activité électrique sert à confirmer le câblage du cerveau, qui n'est pas automatique et qui n'est pas entièrement génétique. C'est-à-dire, en gros, quand vous construisez une autoroute, vous avez un plan, mais après, vous vérifiez qu'elle passe là où il faut. Et comme dans un bâtiment, il y a des noms de chantier pour vérifier, indépendamment du plan de l'architecte, que ce qui s'est fait normalement. Et c'est ça que l'activité du cerveau fait. Si je vous suis bien, les mouvements du fœtus sont des mouvements réflexes et le cerveau, au lieu de piloter, il emmagasine ces informations et il profite de ces mouvements réflexes pour vérifier que les câblages fonctionnent. En gros, c'est ça. Je prends un exemple encore simple, c'est que nous avons à peu près 1 million de cellules au fond de notre rétine, ganglionnaires, qui sont connectées au cerveau. Le cerveau doit savoir à un moment donné quelle est la cellule qui envoie cette information. Et pour cela, il faut un pré-câblage en quelque sorte, mais il faut aussi confirmer que le pré-câblage est comme il faut. Donc si on pousse le raisonnement, on a proposé un concept avec mon ami Nick Spitzer de San Diego, que nous avons appelé checkpoint. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que dans la construction du cerveau, il y a des checkpoints. Des points de contrôle. Des points de contrôle. C'est pas automatique. On construit pas un truc aussi compliqué que le cerveau. C'est quand même 1 million de milliards de connexions synaptiques, chacune étant plus qu'un téléphone portable, en termes de complexité. Ça veut dire quoi? C'est l'équivalent de 300 000 à 400 000 portable par personne vivant sur cette planète. Vous imaginez la centrale. D'accord? Et donc, certes, il y a, en gros, il faut traverser, il faut aller là, etc., etc., mais après, il faut confirmer. Et cette confirmation dépend beaucoup de l'environnement. C'est-à-dire que, dans certains environnements, les choses ne vont pas passer de la même façon. On en parlera plus tard en relation avec la pathologie. Mais il faut comprendre que dans cette histoire, les choses ne sont pas automatiques. Alors, sur les effets de l'environnement, certains sont vraiment spectaculaires. Là encore, vous donnez un exemple qui remonte un peu. Hein. C'est une étude qui a été faite sur des femmes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, aux Pays-Bas, ont été confrontées à une famine et puis évidemment aux affres de la guerre. Il y a eu des conséquences sur le développement des fœtus dans leur vie adulte, mais plus surprenant sur les enfants de ces fœtus devenus adultes, donc sur plusieurs générations en fait. L'exemple classique de la famine à Notre-Dame, qui est un exemple qui est souvent cité, effectivement les nazis ont entouré un village, ont laissé tout le monde crever de faim si j'ose dire, et les femmes enceintes ont eu des problèmes bien entendu. Entre parenthèses, il n'y a pas que ça, plus proche de nous, il y a des gens de Harvard qui au Bangladesh regardent les conséquences du métabolisme pauvre de certains Bangladis, montrant que ça a des effets à long terme sur le développement du cerveau. Le cerveau ne se développe pas en l'air, je veux dire, il a besoin d'un métabolisme, il consomme énormément d'énergie, il dépend de son environnement, c'est archi évident. Maintenant, sur plusieurs générations, on peut le montrer, y compris chez les souris, ouais, dans des conditions expérimentales autrement mieux contrôlées. Ouais. On peut montrer qu'effectivement, l'épigénétique et le reste font que l'expression de certaines choses va dépendre des conditions dans lesquelles elles ont été faites. Ouais. Mais alors du coup, maintenant qu'on a bien saisi que l'environnement a une influence directe et pas qu'un peu sur le développement du fœtus et puis du futur adulte, on peut essayer d'avoir une influence positive sur le développement du cerveau de son futur bébé. Certains parlent de lui faire écouter de la musique, de lui faire écouter plusieurs langues pour qu'il soit ensuite polyglotte. Ça a un sens de faire ça? Alors, polyglotte, je n'irai pas jusque là. Quoique, le problème de fond, c'est qu'on n'a pas de données. Oui. Je veux dire, pour les scientifiques, évidemment, je peux spéculer, mais j'aurais bien aimé pouvoir dire oui, non, à cause de tel travail qui a été publié telle année. C'est mal financé, parce que ça n'intéresse personne, mais c'est bien dommage. C'est évident que l'amour d'une mère, je vais utiliser des gros mots, si j'ose dire, c'est évident que l'amour joue un rôle important. On libère plus d'hormones, la mère. Moi, j'ai trouvé rien de plus beau qu'une femme enceinte. Je veux dire, ça libère des hormones qui font que, etc. Mmh. Et il y a quelques hormones dont on sait qu'elles jouent un rôle important. Mais je veux insister sur autre chose qui est importante. C'est la parturition à la naissance. Pourquoi? Parce que la naissance, c'est de très loin le phénomène le plus compliqué des mammifères, de très très loin. Je veux dire, vous voyez la liste des choses qui doivent se passer, c'est impressionnant, en quelques minutes, quelques heures. Et ça, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, mon labo était pratiquement le seul au monde à travailler chez la souris sur la question de la différence qu'il y a entre l'activité électrique la veille et le lendemain de la naissance. Et il y a une différence, ça veut dire, oui, bien sûr, entre avant et après la naissance, à quelques heures finalement, bien sûr, l'activité électrique du cerveau change du tout au tout. Bien sûr. Et on a montré le rôle de la fameuse hormone de l'amour dans cette histoire. Vous savez que... Alors, on ne sait pas qui la libère. Est-ce que c'est maman ou est-ce que c'est lui? La maman, tu vas sortir maintenant. Lui, j'en ai marre, je veux sortir. Dans les deux cas, la conséquence est la même. L'ocytocine, l'hormone dite de l'amour, est une hormone de l'attachement. On a montré chez la souris que cette ocytocine joue un rôle crucial. Et ça, c'est vachement intéressant parce que on a montré plusieurs choses. Un, que l'activité électrique est changée de par le fait que l'ocytocine agit sur les neurones du cerveau. Deux, que cette activité qui est changée est neuroprotectrice, c'est-à-dire que la souris va moins souffrir d'épisodes d'absence d'oxygène grâce à l'ocytocine. Et en dernier, les Suédois ont montré que si vous prenez un bébé né par césarienne et un bébé né par vaginal, la douleur est plus forte chez le bébé césarienne que chez le bébé vaginal. C'est-à-dire la douleur pour le bébé? Pour le bébé, vous le piquez pour prendre du sang, il y en a un qui va pleurer plus longtemps que l'autre, pour faire très court. le bébé césarienne aura plus mal, entre guillemets, que le bébé vaginal. On a fait ça chez la souris, confirmé que c'était le cas, et montré que l'ocytocine joue un rôle là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'elle a aussi un rôle analgésique. Donc c'est une espèce de molécule anti-stress, parce que la naissance est un stress énorme. Et oui. Il faut savoir que chez un bébé humain, ça c'est le travail suédois, un bébé humain qui vient de naître, les taux de molécules de stress, adrénaline, molécules classiques de stress, sont plus élevés que ce que nous, on va jamais expérimenter dans notre vie. En fait, c'est l'expérience la plus folle de notre vie, mais on ne s'en souvient complètement. Pas. Vous pouvez faire 10 marathons, 15 heures de sauna, vous n'allez pas libérer autant de molécules de stress que pendant votre naissance. Alors, l'accouchement survient à un stade précis du développement du cerveau du bébé, hein, vous l'expliquez. Mais alors, que se passe-t-il dans le cas d'une naissance prématurée? Je voudrais vous faire écouter, avant que vous répondiez, une archive. Nous sommes en 1976, à la maternité de Port-Royal, au sein de l'hôpital Cochin, où se trouve également l'unité de recherche dirigée par Alexandre Minkowski à l'époque. Vous en avez pris la suite. Hein. Minkowski, c'est un célèbre pédiatre pionnier dans l'étude du développement et du cerveau du fœtus et des bébés. Mais pour l'heure, donc, nous sommes en 1976. Jean-Pierre Elkabbach est venu interviewer Alexandre Minkowski pour France Inter. Et ils sont avec une femme qui a accouché de deux jumeaux prématurés et qui leur fait part de ses inquiétudes. Moi, je veux dire que tout au début de mon accouchement, j'ai éprouvé un certain sentiment de culpabilité. Bon, j'ai accouché pour ma part au terme de 6 mois, 3 quarts, pas tout à fait 7 mois, de deux jumelles qui ont été amenées dans le service du professeur Minkowski. Et je les ai récupérées apparemment en bonne santé, c'est-à-dire que ce sont des bébés qui ont pris du poids et puis qui depuis ont évolué tout à fait normalement. Mais la grande inquiétude et finalement la principale inquiétude que j'ai eue, c'est le problème justement du développement cérébral de l'enfant. Est-ce que mon enfant va être normal? Est-ce qu'il va évoluer comme tous les enfants nés à terme? Alors, et à quel moment on peut donner une réponse à une telle question? Eh bien, il y a quelques années, on disait qu'il fallait attendre l'âge scolaire. Et actuellement, dans notre service, à la suite des recherches qui ont été faites, une de nos collaboratrices a essayé de mettre au point une grille, comme on dit, d'examen psychologique et neurologique pour qu'on sache déjà un peu à quoi s'en tenir à peu près à un an. Et alors, voyez-vous, ce qu'il faut, c'est détecter les enfants qui ont des risques cérébraux. Et on peut le détecter quand on sait bien examiner les enfants dans leur système nerveux à la naissance. Voilà pourquoi, si vous voulez, encore une fois, les recherches de ce service ont été en grande partie orientées. Ça ne veut pas dire qu'on a tout trouvé. Nous l'avons fait parce que ça nous intéresse. Mais nous l'avons fait aussi pour répondre à l'anxiété maternelle qui ne veut pas attendre 7 ans pour savoir ce qui va se passer. Alexandre Minkowski, en 1976, on le comprend, hein, Yeskel Benari, vos recherches s'inscrivent dans la droite ligne de ce que faisait ce pédiatre il y a plus de 40 ans. Totalement, je veux dire, on continue, il a énormément innové. Sans Alexandre, il y aurait pas mal de choses qui sont inscrites, maternité, durée de congé pendant la maternité, etc. Il a beaucoup œuvré. Moi, je suis un peu plus neurobiologiste que lui ne l'était. J'ai poursuivi son action sans le savoir, c'est qu'il est extraordinaire. Ouais. C'est venu de façon naturelle, confirmant ce qu'il a montré ailleurs, de façon un peu plus approfondie chez la souris, mais l'idée est exactement la même. Alors, pour reprendre le questionnement qui était au cœur de leur discussion, pour des enfants nés prématurément, est-ce qu'il y aura des séquelles, finalement, sur le développement du cerveau de cet enfant? Ça, on peut pas faire facilement chez la souris. On a essayé, on n'est pas arrivé. Ouais. Pour des raisons que les poumons n'étant pas matures, on n'y arrive pas, en gros. Alors, chez la femme, je ne peux donc répondre qu'en fonction des données épidémiologiques que nous avons. Si on prend les stats simples, simplement les stats, ce qu'ont fait les Suédois, les Norvégiens et les autres, vous prenez 1 million ou 2 millions, des grands chiffres de préma, il y a un impact à long terme. Et cet impact est d'autant plus embêtant, évidemment, que le prématuré est plus long. Mais ça, ce sont des stats qui ne veulent pas dire grand-chose. Moi, je connais des gens qui sont nés très très tôt et qui vont très très bien, Dieu merci. Donc, c'est très difficile. En fait, en ce qui me concerne, la bonne question, elle est, qu'est-ce qui a causé la prématurité au départ? C'est ce que disait Alexandre Minkowski. Par exemple, dans le cas de l'autisme. Mm-hmm. Prématurité augmente l'incidence de l'autisme. C'est-à-dire que si on est prématuré, il y a plus de on chances a plus d'être de risques d'avoir absolument des troubles autistiques ensuite. En tout cas, sur le plan statistique. Hein, voilà. La question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que c'est, entre guillemets, l'insulte précoce dès le premier trimestre, qui a provoqué et la prématurité et l'autisme, et oui, ou est-ce que c'est elle qui a provoqué la prématurité qui elle a provoqué l'autisme, ouais, ou c'est elle qui a provoqué l'autisme directement? En fait, ce sont les causes et les conséquences que nous cherchons. On a le choix entre les trois. Mmh. La thèse la plus probable, c'est un double choc. C'est-à-dire, vous avez la convergence de deux insultes, de deux phénomènes pathologiques qui se greffent l'un sur l'autre. Ce que vous appelez une insulte, c'est un dysfonctionnement au moment de du développement du cerveau. Un événement pathologique ou pathogène qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il faut savoir que déjà le premier trimestre de la gestation est un problème. Ce n'est pas seulement le deuxième et le troisième. Quand on regarde un peu le développement du cerveau et qu'on l'a un tout petit peu en tête, le premier trimestre est important parce que là, il y a des cellules qui se divisent énormément. Et vous comprenez que s'il y en a une qui meurt, c'est 1000 autres qui auraient dû être là qui ne seront pas là. Et en général, les atteintes à cette phase-là sont extrêmement graves, bien plus graves qu'après. Après, vous avez le deuxième et le troisième. Et nous n'avons pas beaucoup de données. Je travaille beaucoup là-dessus. J'espère bientôt publier une espèce de cartographie de ce qui se passe in utero chez la femme. Parce que la question de fond est la suivante. Est-ce que je peux à la naissance prédire des choses? C'est ce que disait Alexandre Minkowski. Est-ce que je peux prédire des choses en fonction de ce que j'ai vu? Pour ça, il faut collecter les données de la grossesse et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. C'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Mais on peut pas facilement collecter Prima et le reste parce que chaque cas est un cas en l'espèce. Quand on fait des stats, on a une vision d'ensemble, on voit la forêt, on voit pas l'arbre. Or, ce qui intéresse la maman, c'est l'arbre, c'est pas la forêt. Alors, on sent poindre là tout le concept que vous avez suivi pendant de nombreuses années, Yeskel Ben-Ari. C'est celui, alors vous l'avez baptisé neuroarchéologie. Ça mérite qu'on s'arrête un petit peu sur ce terme de neuroarchéologie. C'est ce dont je suis peut-être le plus attaché à. Neuroarchéologie veut dire quoi? Quand vous construisez un bâtiment, mais c'est autrement plus simple qu'un cerveau, vous avez un architecte, vous avez des grands chantiers, et si quelque chose se passe mal à un moment donné, le bâtiment s'effondre, on sait pourquoi il s'est effondré. Tel pilier n'a pas été fait comme à Roissy, etc. Je me suis dit, si le cerveau a des checkpoints, et si la construction dépend d'un mix environnement génétique, en gros, qu'est-ce qui se passe s'il y a un phénomène pathogène à un moment donné? X, in utero. Il y a une explication de celle de certains qui croient beaucoup en la génétique, c'est que, bof, il y a un événement, il y a une pathologie, entre les deux, il y a une relation linéaire. On s'aperçoit que c'est pas le cas du tout. Ce que nous avons démontré, du coup, démontré de façon directe, par exemple, dans le cas des épilepsies infantiles, c'est que quand il y a un phénomène pathogène in utero, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des cellules qui ne vont pas là où elles devaient aller. La cellule devait migrer de A à B, elle va à C. Quand elle va à C, elle se connecte avec ses petites copines de façon aberrante. Elle gère une activité aberrante. J'ai proposé, nous avons montré que ces cellules-là sont restées immatures, elles ne mûrissent pas. En ne mûrissant pas, elles génèrent une activité immature. Et c'est ça, finalement, la cause de la maladie. Mmh. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la cause initiale de la maladie, j'allais dire, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la déviation qu'elle a entraînée. C'est ça, le côté archéologie, il s'agit d'aller remonter dans les tout premiers temps de l'histoire du cerveau pour expliquer les dysfonctionnements actuel, c'est ça hein, le principe de la neuroarchéologie. Alors ce concept laisse envisager de nouveaux traitements pour certains troubles comme l'autisme par exemple. Nous allons en parler avec vous, Yeskel Ben-Ari, dans la suite de cette émission du vent dans les synapses, des synapses particulièrement juvéniles cet après-midi sur France Inter. Banana spread for my baby. A glass of plain water for me. Banana spread for my baby. A glass of plain water for me. Dispenser man, if you please, serve my chick a mess of calories. Banana spread for my baby. A glass of plain water for me. Flip back the lid, scoop anything in sight. Make it a rainbow of red, brown, and white. Chocolate chip and everything that's nice. Tutti frutti once and spumoni twice. Banana split for my baby. And a glass of plain water for me. Spray the whipped cream for at least an hour. Pile it as high as the Eiffel Tower. Loaded with nuts, about 16 ton. Top it with a pizza just for fun. Banana split for my baby. And a glass of plain water for me. Banana split for my baby. A glass of plain water for me. Banana split for my baby. A glass of plain water for me. Stack her up with crazy goo. Cause that's the stuff she likes to wade right through. Banana split for my baby. A glass of plain water for me. Now add the cherries, the kind she loves to munch. Skip one banana, use a whole darn bunch. Drown it in fudge, 6 or 7 cans. Give her 2 spoons, she'll eat it with both hands. Banana split for my baby, and a glass of plain water for me. Separate checks, it must be. Charge the split to her, the water to me. Oh, the banana splits for my baby, and the glass of plain water's for me. Ain't got no money, the glass of plain water's for me. C'était Louise Prima, Banana Split for my baby. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Avec pour invité aujourd'hui le neurobiologiste Yehezkel Ben-Ari, qui vient de publier « Les 1000 premiers jours » aux éditions Humaine Science, ouvrage dans lequel vous expliquez à quel point la période de la grossesse et les 2 premières années de vie sont déterminantes. Vous pensez qu'aujourd'hui, on a tendance à sous-estimer l'importance de ce marathon des 1000 premiers jours, comme vous l'appelez, Yehezkel Ben-Ari ? Non, ça commence. La preuve, la nomination de cette commission avec Boris Cyrulnik. Oui, alors ça c'est une commission. Alors parlons-en. C'est vrai que votre titre fait penser au nom de cette commission, donc décidée par le président de la République, confiée à Boris Cyrulnik. Ils doivent d'ailleurs tout prochainement rendre leurs conclusions avec l'idée de peut-être donner des pistes pour modifier la politique familiale. Alors eux, ils se mettent surtout après la naissance. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les bébés de façon à ce qu'ils soient en meilleures conditions. C'est une commission très politique, ce qui n'est pas mon cas. Moi, ça se situe un peu ailleurs. Le titre, je dois dire, je l'ai choisi il y a plus d'un an. Donc, ah oui. Ça n'a rien à voir. Vous ne leur avez pas piqué. Non. Et eux ne l'ont pas piqué non plus, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai qu'après la naissance, le cerveau du bébé est dans des dispositions très propices à l'apprentissage. On dit souvent que certains apprentissages, s'ils n'ont pas eu lieu avant 2 ans et demi, après, ce sera très difficile ou raté. Comment ça s'explique au niveau du câblage du cerveau? Ben, je vais prendre un exemple très simple. Imaginez que votre bébé, très tôt, vous apercevez qu'il voit mal. Si vous attendez l'âge de 5, 6, 7 ou 8 ans pour lui mettre des lunettes, le cerveau sera câblé comme si ce qu'il voit qui n'est pas bien est normal. Donc il faut lui mettre des lunettes le plus tôt possible, de façon à ce que le cerveau se câble comme il faut. Mmh. Le câblage se fait à ce moment-là. Ouais. À propos de la vision, il y a un exemple que vous donnez dans votre livre très parlant qui a été fait dans les années 70 sur les chats. C'est vrai que pendant une période donnée, chez le chat comme chez l'homme, il y a des formes qui jouent un rôle crucial, qui doivent s'enregistrer à ce moment-là. S'ils ne le font pas, par exemple chez le chat, vous mettez un chat avec uniquement des barres verticales, il ne verra plus des barres horizontales. Quand ils sont petits, on leur montre uniquement des barres verticales, et puis plusieurs années après, ils sont incapables de voir des barres horizontales. Ça a l'air de rien, ça a valu un prix Nobel à ceux qui ont fait cette découverte. Ça, les visuels, ils en ont fait beaucoup. Ils ont décrit des choses qui sont maintenant universellement acceptées quand même. Ils ont bossé très bien. Ils le méritent, c'est sûr. Mais le concept, au-delà de ça, ça montre l'importance de la plasticité à cet âge-là. L'importance de la capacité à réparer des choses assez bien à cet âge-là, qu'après ça va être un peu plus dur. Mmh. Mais pour revenir un second à la neuroarchéologie, on a commencé à parler dessus. La neuroarchéologie. Oui, la neuroarchéologie. Pourquoi c'est important? C'est parce que, déjà du point de vue concept, ça suggère que la maladie n'est pas seulement due à la cause initiale, mais aux cascades d'événements qu'elle a générées. Maintenant, sur le plan thérapeutique, ça veut dire que la maladie, quelle qu'elle soit, viennent de régions qui sont mal connectées, qui sont mal placées, etc. Et qui ont gardé des propriétés immatures. Du coup, une drogue qui bloque les cellules immatures sans affecter les autres, qui bloque surtout celles qui sont restées immatures, c'est idéal pour traiter cette maladie, parce que ça n'aura pas d'effet secondaire sur les cellules normales. C'est ça l'idée générale. Quand vous dites une drogue, vous parlez d'un médicament. Hein. Pardon. On est d'accord. Drogue en anglais. Oui. Un médicament qui bloque ces activités-là, ça va être exactement ce qu'il faut. Et nous avons travaillé beaucoup là-dessus. Et nous avons montré, au fait, que les neurones immatures ont une activité biophysique particulière. Dans mon cas, c'est beaucoup de chlore à l'intérieur, bon, peu importe. Mmh. Et les neurones pathologiques aussi. Donc, dans toute une série de pathologies qui vont de l'autisme en passant par le Parkinson, etc., vous avez des neurones qui ont gardé ces propriétés immatures avec notamment un chlore élevé. Mmh. On s'est dit avec mon ami le docteur Lemonnier, qui est un psychiatre, et si on prenait les enfants autistes et on considérait que ça, c'était peut-être une des causes de la maladie, si on leur donne les médicaments qui va bloquer ce chlore élevé, il va calmer les choses. Alors, ce médicament contre l'autisme qui est en cours de test, hein, c'est un médicament, c'est un diurétique. Hein, au départ, il existe déjà, mais il était prescrit pour l'hypertension. Et il a été testé, alors vous allez nous dire où on en est aujourd'hui de la phase de test, mais déjà en 2013, les médias se sont fait l'écho des premiers tests. Nous sommes sur France 3. Tristan et Jeanne sont autistes. Mais depuis plusieurs mois, la qualité de leur communication avec leur entourage s'est améliorée. Ils font partie des 30 patients de 6 à 11 ans du CHU de Brest qui ont pris un médicament diurétique, le buméthanide, à l'essai. Tandis que 30 autres patients ont pris un placebo. En 2011, on avait un petit garçon, une petite fille. Le matin, c'était « je me lave le matin, est-ce que Jeanne va encore verser son chocolat chaud contre le mur ? Est-ce que je vais appuyer sur le mauvais bouton avec Tristan ?» Là, le matin, je me lève... C'est plus la même vie, quoi. Ils apprennent leur autonomie, ils boivent leur chocolat chaud normalement. Bon, on a deux ou trois crises, hein, mais c'est de plus en plus rare. Après, on a toujours des tocs, mais de plus en plus rare. Alors, il faut que vous nous expliquiez, parce que ça paraît bien mystérieux hein, pour nous, Yeskel Benari. Vous avez testé ce médicament qui est au départ un diurétique. Il semble avoir de bons résultats. Déjà, comment il marche d'un point de vue physiologique et où en sont les tests aujourd'hui ? Alors, je dois déjà dire que le mérite est surtout docteur Lemonnier. Je dis ça parce que c'est un type extrêmement génial qui, comment dirais-je, n'a pas l'écoute des psychiatres. Je pourrais vous faire un discours entier sur le monde des psychiatres, qui est pas mieux que le monde des chercheurs, mais c'est peut-être pas le... Alors, on va peut-être pas ouvrir trop grand cette parenthèse, mais ce que vous voulez dire sur l'autisme, il y a beaucoup de débats, notamment sur les causes, avec ça va de l'explication psychanalytique à l'explication génétique, et vous êtes sur une approche avec plus neurologique. Avec le docteur Lemonnier, on est la cible des deux côtés. Et les génétomaniacs qui disent qu'on fait des bêtises, et les psychiatres, psychanalystes, bon, peu importe. Je suis de ceux qui pensent que les faits sont têtus et que finalement ça sort très bien. Mais je parle surtout de lui parce qu'il a beaucoup souffert de ça. Toujours est-il, c'est que Eric a testé d'abord 5, puis 54, puis 80 en double aveugle. Ça marche. Mmh. Et là, nous faisons la première phase 3 mondiale. Donc l'hypothèse est que si ça marche comme chez l'animal, le diurétique, comme vous l'avez dit, qui est générique depuis 40 ans pour l'hypertension, est très spécifique pour baisser le taux de chlore dans les cellules nerveuses ou pas nerveuses d'ailleurs. Il est diurétique parce qu'il fait la même chose au niveau des reins. Il baisse le chlore, etc. Et donc, la proposition, elle est qu'il agit de cette façon-là. Les centaines de parents que Eric a testés, que nous avons testés, disent toujours la même chose. Mon gamin est plus présent. Présent. Le mot présent revient tout le temps. Mmh. Ils ne sont pas guéris, mais la sévérité de la chose, de la maladie, est atténuée. C'est un médicament qui se prend comme un sirop, qui ne guérit pas, mais qui atténue les caractéristiques du trouble. Si les tests fonctionnent, il serait en vente. À partir de quand, ce médicament ? Alors, on a avancé beaucoup plus vite que prévu. Pour les gamins de 7 à 18 ans, parce qu'on a fait 2 à 18, 7 à 18, ça va bien, 2 à 7, c'est très compliqué. Mmh. On pense que l'année prochaine, déjà, on aura les résultats définitifs. Après, il y aura discussion avec l'AMM, etc., pour la même mise sur le marché. Mais, alors, vous m'avez posé une question. Il fait quoi et combien de temps ? L'idée générale, c'est qu'il fait baisser le chlore dans certaines cellules et donc bloquer les cellules immatures du point de vue de l'activité qui perturbe. Si vous avez compris le concept de neuroarchéologie, j'espère que du coup les auditeurs ont compris que ce genre de syndrome, si j'ai raison, ne se guérit pas au sens où j'ai mal au crâne, je prends une aspirine, j'ai plus mal au crâne. Parce que les neurones qui sont là où ils sont, on va pas les refaire migrer. Mmh. Donc il s'agit d'atténuer la sévérité de l'autisme, pas de le guérir. Sauf si on arrive à avoir un diagnostic très précoce. Là, les Américains ont montré que s'il y a des études de psychologie éducative, genre regardement dans les yeux, etc., ça améliore beaucoup les choses. Là, on peut arriver à des résultats extrêmement... Donc, ça dépend vraiment du diagnostic précoce. Et je dois aussi préciser que nous avons fait des travaux d'imagerie cérébrale. Et on a montré que les gamins sous traitement regardent plus les yeux et que des régions qui sont activées par la peur, notamment... sont plus facilement activés après traitement qu'avant. C'est-à-dire qu'il reconnaît un peu ce qui se passe. Alors, Yeskel Benari, vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'épilepsie, maladie chronique, qui se manifeste par des crises. Elle concerne 500 000 personnes en France. Certains auteurs, et pas des moindres, en souffraient. C'est le cas notamment de Gustave Flaubert. Je vous propose d'abord d'écouter l'extrait d'une de ses lettres dans lesquelles il décrit ce qu'il ressent lors de ces crises. Et puis vous nous direz ensuite ce qui se passe concrètement dans le cerveau des personnes lorsqu'ils font une crise d'épilepsie. Cette maladie brise ma vie. Elle me rend solitaire et sauvage, comme Beethoven. Voici ce que j'éprouve quand j'ai des hallucinations. Premièrement, une angoisse indéterminée, un malaise vague, un sentiment d'attente avec douleur. Deuxièmement, comme la foudre. Envahissement, ou plutôt, irruption instantanée de la mémoire. Car l'hallucination proprement dite n'est pas autre chose, pour moi du moins. C'est une maladie de la mémoire. Un relâchement de ce qu'elle recèle. On sent les images s'échapper de vous comme des flots de sang. Il vous semble que tout ce qu'on a dans la tête éclate à la fois comme les mille pièces d'un feu d'artifice. Et on n'a pas le temps de regarder ces images internes qui défilent avec furie. En d'autres circonstances, ça commence par une seule image qui grandit, se développe et finit par couvrir la réalité objective. Comme par exemple une étincelle qui voltige et devient un grand feu flambant. Une lettre de Gustave Flaubert, lue par Alain Carré, Yeskel Benari. Que pensez-vous de la façon dont Flaubert décrit ce qu'il ressent lors d'une crise d'épilepsie? Ça colle avec beaucoup de choses que nous savons, mais il faut dire qu'il y a autant de formes d'épilepsie qu'il y a de patients épileptiques. C'est extrêmement hétérogène. Dans les épilepsies temporales, souvent, il y a effectivement des hallucinations. On sait que ça vient d'une région du cerveau particulière. Alors, évidemment, il y a un embrasement. C'est-à-dire, au fait, il y a l'activité électrique qui paralyse tout le reste et qui rend impossible les activités cognitives, sensorielles, intégratives qui se passent normalement. Elle part d'une région du cerveau, elle devient généralisée, mmh. C'est là où on perd conscience, etc. Vous parlez d'une cavalerie neuronale. C'est une cavalerie parce qu'en fait, imaginez une région qui commence à gérer une activité qui, de proche en proche, gagne le reste du cerveau. Et à un moment donné, il y a tellement de bruit, si j'ose dire, que l'activité normale est rigoureusement impossible. C'est là où vous perdez conscience, etc. Donc, ce qui se passe pendant cette phase-là est commun, si vous voulez. Mais, évidemment, ça dépend de comment ça a été généré, ouais. Ça dépend du vécu de chacun, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, les causes de l'épilepsie peuvent être multiples. Est-ce que certaines causes, pour certaines formes d'épilepsie, peuvent, là encore, remonter à ces 1000 premiers jours du développement de notre cerveau? Absolument, il y a un exemple archi-classique. Un bébé vient de naître, il est cyanosé, parce qu'il y a eu le placenta, le cordon a été tordu, il n'a pas eu l'oxygène pendant un moment donné. Il est violé, on le ressuscite, il est parfait. Rien ne se passe. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il est épileptique. Rien ne s'est passé au milieu. Mmh. La distance qu'il y a entre l'événement pathogène initial et la clinique peut être très longue. On sait aujourd'hui que l'événement initial, c'est ça, souvent, pas toujours, mais souvent, et cet événement initial a provoqué une modification de la construction de certaines régions du cerveau qui reste quiescente pendant longtemps et puis soudain s'allume. C'est la question majeure de la biologie de la médecine. Pourquoi est-ce que ça reste quiescent et pourquoi ça s'allume? Ça va nous amener d'ailleurs au Parkinson, une autre maladie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, ça ne gênait pas parce que le cerveau se débrouillait avec cette espèce de maladresse, cette espèce de problème. Après, il n'y arrive plus. Et vous étiez en train de dire, pour d'autres pathologies qui affectent le cerveau, neurologiques, c'est le cas par exemple pour Parkinson, il pourrait y avoir des causes qui se nichent dans les 1000 premiers jours de notre... Alors les 1000 premiers jours, pour l'instant, il n'y a pas de données qui vont dans ce sens, nous travaillons beaucoup là-dessus. Mais disons qu'il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est que l'origine de l'ASMR, du Parkinson, etc., elle est en train de reculer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 10 ans, ça commence à tel âge. Aujourd'hui, avec une technique X, on a fait avancer ça de 10, 15, 20, parfois 30 ans. Et la question, elle est, et si ça commençait très tôt? Et la réponse est, on ne sait pas. Mais ce n'est pas étonnant que ça soit le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les maladies dites tardives et les maladies dites précoces. Simplement, on ne sait pas vraiment quel est le phénomène perturbateur initial. Parce que tout simplement, nous travaillons, c'est-à-dire essentiellement Constance Amand, qui est aussi ma femme, qui est une experte de Parkinson, elle est en train d'essayer de comprendre, dans des modèles animaux, est-ce que le développement est impacté par ce qui va provoquer le Parkinson par la suite? On ne sait rien là-dessus. Parce que c'est tellement pas, j'allais dire, catholique ou kasher ou halal, comme, selon vos goûts, que... Ou orthodoxe aussi. Ou orthodoxe, qu'on ne travaille pas là-dessus. Mais en fait, si, c'est important. Ouais. Mais ça, vous le dites là, avec une boutade, mais c'est un peu votre marque de fabrique. Toute votre vie, vous avez essayé de prendre les chemins de traverse, le pas de côté, qui fait qu'on aborde les questions et les solutions différentes. Ben, j'ai eu une vie un peu compliquée. Notamment les trois religions monothéiques, je les connais assez bien et je m'en suis un peu séparé, disons. Oui, non, j'ai une vie compliquée. Mais ça fait un peu la richesse de la chose. C'est qu'on s'aperçoit que les choses ne sont jamais simples. Et qu'il faut les aborder en dehors des sentiers battus. Quand vous suivez les autoroutes, vous avez tout faux. Il faut la passion et la capacité d'être indépendant pour faire autre chose que ce qui est classique. Ouais. Une dernière chose, peut-être en vous écoutant, il y a quelque chose peut-être d'inquiétant pour des jeunes parents de se dire tout se joue dans les 1000 premiers jours et puis après on ne peut plus aller contre ce qui s'est fait. Et puis il y a même, quand on n'est pas parent, si l'on se dit les dés sont jetés si tôt dans mon existence, non. Après c'est foutu. Alors est-ce qu'on peut pas un peu Je n'ai jamais dit, d'ailleurs entre parenthèses, mon livre devait avoir ce titre et j'ai refusé. Je n'ai jamais dit que tout se jouait. En partie, tout se joue. Ah oui. Tout ne se joue pas pendant les 1000 premiers jours. Bien sûr que non. La nature, encore une fois, elle n'est pas bête. Il y a toujours des circuits de réparation. Tout le problème, c'est un diagnostic précoce pour réparer ce qui peut l'être. C'est pas que tout se joue. C'est qu'il y a des choses qui se jouent. Parfois, elles sont graves. Mais il y a des méthodes de réparation. Tout le problème, c'est pas fermer les yeux en disant, c'est pas grave, ça va passer. Il faut un diagnostic précoce. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et là, le traitement, la guérison est possible. Merci, Yeskel Benhari. Je rappelle le titre de votre ouvrage, celui que vous avez validé les 1000 premiers jours aux éditions Humaine Science. Un grand merci à vous d'être passé. Je vous remercie, ce fut agréable. Merci. En deuxième heure, nous partirons pour un voyage plein de saveurs à la découverte de l'immense famille des agrumes. Et dans un instant, dans la revue d'actu de la semaine, nous parlerons entre autres d'une avancée importante dans la recherche contre le cancer et d'un ver venu d'Argentine qui envahit nos jardins. Thinking on me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and tell me, do you want me on top? So let me show you, I don't need to back it up. Don't wanna hold you, more, just go, just split you in half with my heart. Trusting you, honor you, please do the same on your part. Be honest, you want this, but can be hardest, regardless of my conscience. Be honest, you want this, but can be heartless, regardless of my conscience. Take time, you know, stay around whenever I see bad mind. Before you come my way, make sure you think twice. Into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make your bed, then you can lie. Just be so much my time. Be honest, you want it, but I can be hard. Majesty, about the way your body twisting, make me lose control in a distant boy. And it's happy because I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under a spell, I'm under your love. I don't know why nobody want me. Me say my baby today do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you, make you know, do me bad. Give me one time. Be mine this time. Take time, same time. Make we know they waste time. Girl, I never lied. You already know I be honest. Georgia Smith, c'était Be Honest. France Inter, du vent dans les synapses. Et autour de la table pour la revue d'actu de la semaine, Mathilde Fontaise de Science et Vie et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Mathilde, on commence par une étude importante qui vient d'être publiée, une avancée majeure dans la recherche contre le cancer. Oui, c'est une étude colossale qui vient d'être publiée. C'est l'étude de tous les superlatifs. Elle a été publiée sous la forme de 23 articles dans la revue Nature, opportunément à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. 2600 génomes de 38 types de tumeurs différents ont été analysés. Des téraoctets de données. Ce projet s'appelle Pan Cancer Project. Il a mobilisé 1300 chercheurs de 37 pays depuis 10 ans. Et alors, c'était quoi le but de cette collaboration exactement? Alors, le but était d'explorer de manière complète et systématique le génome des cellules cancéreuses. Car il faut savoir que jusque-là, les études du génome des cancers étaient focalisées sur des gènes codant les protéines, qui ne représentent qu'un pour cent du génome. Il faut savoir aussi que la plupart des études génétiques étaient jusque-là orientées par les observations cliniques. C'est donc une nouvelle approche qui s'applique ici, plus systématique, plus théorique, qui vise à observer sans préjugés cliniques le génome des cellules cancéreuses et à essayer d'y déceler des motifs, des mutations clés, des fondamentaux dans le développement du cancer. Et l'objectif, c'est d'améliorer les traitements à terme ? Oui, c'est évidemment l'objectif. Le rapport de l'OMS sur les cancers dans le monde, qui vient lui aussi d'être rendu public, prédit une augmentation de 60% des cas de cancer au cours des deux prochaines décennies, si les tendances actuelles se poursuivent. Il faut donc progresser dans les traitements et détecter les cancers plus tôt. Or, l'approche génétique, c'est l'une des pistes pour y parvenir. Il s'agit de mieux comprendre comment évoluent les cancers, d'où ils viennent pour mieux les traiter. D'autant qu'on essaie aujourd'hui de faire des traitements basés sur la génétique. Des traitements qui s'attaquent à la mutation précise qui provoque le cancer. Et alors, quelles sont les conclusions de cette étude ? Alors pour l'instant, autant être clair, rien de concret ne se dégage de ce monceau de données. L'étude confirme surtout l'extrême complexité du cancer. D'abord dans sa manière d'évoluer. Il y a plein de parcours génétiques différents pour un cancer, plein de mutations possibles qui s'accumulent. Et les cancers apparaissent aussi très variables d'une personne à l'autre. Les chercheurs observent à la fois des similarités surprenantes entre différents types de cancers et une grande variété de tumeurs pour un même cancer. La publication de ces données n'est en fait que le début du travail. Il va falloir des années pour les transformer en véritables découvertes sur la maladie. En particulier, elles vont devoir être couplées à d'autres ensembles de données, cliniques cette fois. Un projet est d'ailleurs en cours, sur 100 000 personnes atteintes, pour combler le manque de ce côté-là. Donc on en reparlera, c'est un début, mais c'est très prometteur. C'est un début qui va sans doute déboucher sur de nombreuses découvertes sur le cancer dans les 10-20 ans à venir. Je reçois jusqu'à 10 emails par jour de gens qui me disent « j'ai tout ça dans mon jardin, je demande aux gens » de m'envoyer des spécimens par la poste, je reçois jusqu'à plusieurs paquets par jour. Le déferlement de ces platelmintes. Ces platelmintes dont parle Jean-Loup Justine, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, sont des vers plats dénommés Obama Nungara. Et il a beau aller lentement, ce ver, il prolifère à toute allure, à tel point qu'il menace nos jardins, Sophie Bécherel. Oui, et Obama Nungara, c'est le dernier en date étudié par Jean-Loup Justine que l'on a entendu, parce que c'est un spécialiste de ces vers plats invasifs. Et celui-là, il est particulièrement retors. Il arrive d'Argentine, il est brun foncé, il fait de 5 à 10 cm. En fait, il a une tête à mi-chemin entre la limace et le ver de terre. Et en fait, il est en Europe depuis 7 ans maintenant. Ce qu'a décrit Jean-Loup Justine, c'est effectivement l'alerte qui a été lancée. Le premier a été trouvé à Cagnes-sur-Mer, donc. Et depuis, 530 personnes dans 72 départements français l'ont déjà signalé. Ça fait quand même les trois quarts du territoire métropolitain. Et alors, c'est vraiment un envahisseur de jardin qui se nourrit de vers de terre et d'escargots et menace la biodiversité. Pourquoi c'est un envahisseur? Parce que même si vous réussissez à les supprimer, par exemple, vous les attraper les uns après les autres et puis vous mettez la poubelle, bah, quelques semaines plus tard, ils sont à nouveau là. Donc ce que vient de publier Jean-Loup Justine, c'est finalement la compilation de 5 ans et demi d'enquête, une enquête de science participative où, comme on l'a entendu, le public était appelé à participer. Et donc à compter les vers dans son jardin, et à informer ce chercheur donc du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et après analyse, donc comme je vous disais, les résultats sont sortis cette semaine. Et alors Obama Nungara, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire plat comme une feuille dans une langue amérindienne. Pourquoi ce nom latino? Bien en fait parce que comme je l'ai dit, son origine est en Argentine. Jean-Loup Justine a pu retracer son parcours en analysant le génome et il est arrivé sur le continent européen par le commerce de plantes en pot. Mais alors comme je disais, une fois qu'il est dans le jardin, même s'il n'est pas du tout rapide, impossible de suspendre sa progression. Alors surprise, il n'aime pas le sol froid, donc pas les nuits fraîches parce qu'en fait il vit la nuit et puis on le trouve donc à basse altitude. d'altitude, hein, moins de 150 mètres d'altitude, et il est très envahissant, parfois des centaines de spécimens par jardin. Et on le présente comme une menace, mais pourquoi une menace? Ah oui, puisqu'il mange les vers de terre. Vous savez que les vers de terre, ce sont les mineurs du sol, ils font des galeries sous terre, ils permettent d'aérer la terre, d'apporter de l'oxygène, ils sont aussi des agents composteurs finalement, et ils comptent en contribuant à décomposer les végétaux, la matière organique qui ensuite va nourrir le sol. Donc si les platelmintes se mettent à manger une grande partie de vers de terre, bah, vous voyez que les vers de terre ne peuvent plus exercer ce rôle vertueux, et les platelmintes en question, les Obama Nungara, ne savent pas faire de galeries, ne peuvent pas remplacer leurs collègues, si vous voulez. Eux, en fait, ils ne remplacent ils ne font que manger les vers de terre qui sont fort utiles au sol. Et du coup, ce qui se profile, c'est un déséquilibre de ces sols, parce que même si on ne sait pas encore combien ces platelmintes mangent de vers de terre ou d'escargots, le fait qu'ils en mangent, ça va déséquilibrer les rapports entre les espèces. Moins de vers de terre dans le sol, c'est aussi moins de nourriture pour les oiseaux, pour les poules, des choses comme ça. Il y a un effet domino encore mal apprécié. Alors, est-ce qu'il faut le détruire? Comment on s'en débarrasse? Ah oui, dans la mesure où c'est un alien de nos jardins, oui, il faut le détruire. Sauf qu'il n'y a pas de solution miracle. On ne lui connaît pas de prédateur. Je parlais des poules. Bah, figurez-vous qu'il a tellement mauvais goût que les poules, une fois qu'elles en ont goûté un, elles n'y touchent plus jamais. Donc, c'est sa manière à lui. Il faut peut-être qu'elles s'y mettent. Elles ne sont pas encore habituées. Non, c'est comme ça que le platelminte se défend des prédateurs. Alors, ça ne sert à rien de l'arroser, hein, ni de grenadine, ni de purin d'ortie ou d'insecticide. Alors, les participants à l'enquête ont montré que l'eau bouillante, ça marchait, le vinaigre, le sel de cuisine aussi. Tout ça, ça lui est fatal, mais ça ne suffit pas, puisque quelques semaines plus tard, vous revoyez arriver ces platelmintes invasifs. Voilà, comme je le disais, Jean-Loup Justine pense que vraiment, il est retort. Mais ça veut dire qu'en Argentine, il n'y a pas de vers de terre du tout? Comment ils cohabitent? Bonne question, je n'ai pas mené l'enquête jusque-là. Très bien, oui, parce que s'il faut s'habituer à vivre avec, il faudra peut-être qu'ils apprennent à cohabiter. Mais c'est surtout que dans un écosystème, il peut y avoir un équilibre, et quand vous transplantez une espèce dans un écosystème dont elle n'est pas originaire, l'équilibre n'existe plus, vous déstabilisez les choses. Donc peut-être qu'en Argentine, ça marche bien, et chez nous en Europe, beaucoup moins bien. On va mettre un lien en tout cas vers l'article de Jean-Loup Justine, ce chercheur très impliqué dans la façon de répertorier ces vers envahisseurs, et puis aussi sur son site personnel pour ceux qui voudraient participer aux études de sciences participatives auxquelles il vous invite. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Mathilde Fontaise, on a réussi à fabriquer de l'hydrogène métallique. Oui, alors ça paraît abscon comme ça, mais c'était l'un des graals de la physique. L'hydrogène métallique a été prédit, théoriquement, il y a 80 ans. La prédiction est simple, c'est si on soumet de l'hydrogène à de fortes pressions, il doit changer d'état et devenir métallique, c'est-à-dire que ses atomes s'arrangent en réseau pour former comme une sorte de solide. Et mieux, les théoriciens ont même prédit que cet hydrogène métallique est supraconducteur, ça veut dire qu'il doit conduire l'électricité sans aucune perte. Donc voilà des dizaines d'années que les physiciens essayent d'atteindre des pressions suffisantes pour transformer l'hydrogène en ce nouvel état de la matière, et c'est cette prouesse qui vient d'être réalisée par une équipe française en pinçant un échantillon d'hydrogène, enfin en compressant très fort plutôt, puisqu'il s'agit de compresser cet échantillon de 6 micromètres de diamètre entre deux diamants jusqu'à atteindre une pression record de 4,25 millions d'atmosphères. Ça veut dire 4,25 millions de fois la pression de l'atmosphère terrestre. Et donc aujourd'hui, grâce à cette manipulation, on a un échantillon d'hydrogène métallique à étudier, voire un nouveau matériau conducteur parfait que l'on peut utiliser. Alors voilà, c'est toute l'idée, c'est de pouvoir disposer d'un nouveau matériau pour pouvoir faire tout un tas de choses et notamment conduire l'électricité sans perte, mais on n'y est pas encore, puisqu'à cette pression, en fait, l'hydrogène métallique n'est pas encore vraiment solide. Il est dans un état moléculaire, il n'est donc pas du tout stable, il a été maintenu suffisamment longtemps pour que les physiciens puissent démontrer qu'il y avait bien eu le changement d'état, mais il faudra encore augmenter la pression pour forcer l'hydrogène à se mettre dans cette nouvelle forme atomique, c'est-à-dire qu'il demeurerait stable même lorsque la pression se relâche, jusqu'à former en quelque sorte une sorte de cristal d'hydrogène. Sophie Bécherel, la sardine n'est décidément plus capable de boucher le port de Marseille. L'Ifremer annonce un rétrécissement de ce petit poisson en Méditerranée. Oui, cela fait 10 ans qu'il se gratte la tête, peu cher, les chercheurs de l'Ifremer, parce que, effectivement, les sardines dans le golfe du Lion ont perdu 3 cm en 10 ans et 10 grammes. Celles du golfe de Gascogne, au départ de 18 cm, font désormais en moyenne 14 cm. Et du coup, pour les pêcheurs, même si le nombre de poissons reste le même dans les filets, le filet est beaucoup moins rempli. La biomasse est 3 fois moindre. Les anchois aussi sont plus petits. Alors, le plus étrange, c'est que le rétrécissement s'est produit d'un seul coup, d'une année sur l'autre. Depuis, les poissons n'ont jamais jamais retrouvé leur taille d'origine. Dans le même temps, ces sardines ont une espérance de vie diminuée. Plus une seule sardine de plus de 2 ans en Méditerranée. Vous avouez que c'est un petit peu spécial. Mais comment ça s'explique alors? Qu'est-ce qui se passe? C'est toute la question. Pour l'instant, les chercheurs ne l'ont pas compris. Ça n'est pas la surpêche, en tout cas. Ça n'est pas non plus une maladie qui atteindrait ces bancs de poissons, ni un nouveau prédateur. Non, en fait, la seule explication qui se profile, c'est que finalement, les sardines ont moins de plancton à manger ou qu'il est de moins bonne qualité. Peut-être, pensent les chercheurs, parce qu'il y a désormais 2 couches distinctes dans la mer. Et pourquoi? À cause du réchauffement climatique, donc une couche supérieure qui serait très chaude, une couche inférieure qui serait froide, et cela empêcherait les nutriments de remonter et donc d'alimenter le plancton. Il faudra continuer l'enquête, hein. C'est intriguant. Mathilde Fontaise, au sommaire de Science et Vie, dans les kiosques. Alors au sommaire, un dossier sur la fusion, une vieille lune qui en fait voit beaucoup d'actualité en ce moment par le projet ITER qui va être assemblé dans les semaines qui viennent et aussi par tout un tas de projets qui viennent le concurrencer partout dans le monde. Merci à toutes les deux et à bientôt. À venir dans la deuxième heure du Vent dans les Synapses, bigarade, clémentine, mandarine et pamplemousse, nous allons partir pour un voyage savoureux à travers le monde à la découverte de la grande famille des agrumes avec le généticien et agronome Frank Kurk. Ensemble maître du temps, sauveur de l'ennui, je te regarde, tu me comprends. Tes mots, tes rires, tes gestes, plus doux que n'importe quel soir. Contre moi. C'était Dragon de Métal, Isia, et juste après le flash, on s'intéresse aux agrumes et à leur immense diversité. À tout de suite.